France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah, ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 73. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 8 avril 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es sardine à l'entrée du Vieux-Port. Tu es Notre-Dame de la Garde, tu es Marcel Pagnol, tu es Stade Vélodrome, tu es Cagole ou Caïd, et tu es aussi... Bonjour, c'est moi, Honoré. Vous ne connaissez pas Honoré ? Honoré, de Marseille. Oui, le pays de la yolie et de la bouillabaisse. Vous savez bien, il est parti de boule, la pêche, le pastis. Enfin, le travail, quoi. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es Marseille, tu es donc cité phocéenne. Alors, depuis 15 jours, comme chacun sait, la Marseillaise s'est invitée au cœur de la campagne présidentielle avec un truc du genre « c'est moi qui la connais mieux que toi ». Ainsi, dans l'espoir de comprendre pourquoi l'hymne national fascine-t-il autant désormais nos principaux candidats, eh bien, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin pendant 53 minutes de mettre le cap au sud pour tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle de la ville de Marseille. Et pour commencer, de Massalia la grecque aux supporters de l'OM, il faut te retracer l'histoire de la rivalité Paris-Marseille. Ensuite, durant quelques minutes, nous essaierons de te démontrer que le Marseillais ne mérite pas sa réputation de menteur qui lui colle à la peau. On enchaînera d'ailleurs sur une petite merveille de Didier Bourdon qui viendra nous prouver justement combien les informations régionales de la cité phocéenne ne sont absolument pas truquées. Et puis, dans la foulée, nous nous pencherons sur cette incroyable rumeur marseillaise selon laquelle François Bayrou se serait infiltré cette semaine parmi les caïds du milieu. Et enfin, te raconter cette rencontre hallucinante qu'ont vécu Monique et Jean-Claude hier après-midi dans les Calanques alors qu'ils faisaient une sieste sous un pin parasol. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et droit au but, peu cher. They brag a man has walked in space, but you can't even find my place. There ain't nothing you can do, 'cause I've had enough of me, baby, being part of you. Just who do you think you are? This time you've gone too far. Just who do you think you are? Moving on up, c'est ce que chantait en 1993 le groupe britannique M People. Parce qu'en 1993, justement, la Coupe de la Ligue des Champions déménageait à Marseille après la victoire historique de l'OM face au Milan AC. Une victoire que l'on attendait depuis longtemps sur la Canebière. Au moins Milan, c'est assez peu cher. Alors, ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé de mettre à l'honneur la plus ancienne ville de France, l'ancienne colonie de Fossé. Oui, tu l'auras compris, l'ami, cette semaine, on visite Marseille. Et pour commencer notre balade dominicale, la panique au Mangin Palace s'est intéressée à cette relation passionnelle qui unit Paris et Marseille. Car ces deux grandes villes partagent des valeurs communes, dont la première est sans nul doute le même amour de la patrie. Ainsi, en 1792, les volontaires marseillais entrent dans Paris en pleine insurrection, avec aux lèvres un chant révolutionnaire, tout d'abord destiné à l'armée du Rhin, mais qu'on baptise très vite la Marseillaise, un hymne national et unificateur. Depuis cette année, la Marseillaise, l'hymne national, est obligatoire dans les classes primaires. Nous étions ce matin dans une école de Marseille. 3, 4. Paris, Paris, on t'encule. Une mesure Paris, qui relance le débat sur la violence des paroles de notre hymne national. Eh oui, la tumultueuse histoire d'amour entre Paris et Marseille n'est pas sans remous. Ainsi, en 1794, face à la Convention jacobine, Marseille soutient le camp fédéraliste. Ces émeutes contre le pouvoir en place à Paris valurent à Marseille d'être débaptisée durant quelques mois en 1794 pour s'appeler ville sans nom. Mais cela ne fut qu'une simple péripétie, comme en connaissent tous les couples. Ainsi, par exemple, comme dans chaque histoire d'amour, les enfants sont une source de conflit. Et oui, c'est le classique « Oh, tu préfères qui ? Ton père ou ta bonne mère ?» Eh bien, entre Paris et Marseille, ça ressemble un peu à ça. Je vais faire mes études à Paris. À Paris ? Non mais tu es folle, hein ? Tu as vu ce qui se passe à Paris ? Tout. Il se passe tout à Paris. Le théâtre, le cinéma. Tu es à Paris pour faire la fête. Mais non, je vais faire l'école de journalisme. Où tu veux que j'aille à part Paris ? Et puis c'est pas la Chine. On met même pas 4 heures en TGV. Et tu vas habiter où à Paris ? Prendre une chambre à deux avec Rose. Veux faire du journalisme, Rose ? Non, elle veut faire du théâtre. T'en as pas d'elle ? Pourquoi tu dis ça ? Oui, je la connais, ta Rose. T'as pas beaucoup d'épines, tu sais. Va vite se faire accueillir. Et alors, Rose, elle peut avoir envie de se faire cueillir à Paris. Et en plus, ce ne sera pas obligatoirement par un Parisien, car à Paris, il y a une grosse communauté marseillaise. Il y a des cigales dans la fourmilière et vous ne pouvez rien y faire. Il y a des cigales dans la fourmilière, mais c'est pour ça que j'espère. Et en effet, les Marseillais de Paris espèrent pouvoir le plus souvent rentrer un jour dans leur ville sous le soleil. Mais en attendant qu'ils se rassurent, les Marseillais, car où qu'ils soient, à Montmartre ou sur le Vieux-Port, ils peuvent toujours compter sur la présence de leur fabuleux sénateur-maire. L'autre jour, j'étais à Paris. Et mon chauffeur m'a mené de chez moi à l'Assemblée. Et nous passons devant le Grand Palais. Il y avait des milliers de personnes qui faisaient la queue pour voir Gauguin. Et je me disais, qu'ils sont merveilleux ceux-là, qui se doutent de rien. Pendant que nous arpentons les rues, nous montons dans les HLM, nous nous faisons engueuler. Et on nous dit, avec qui vous vous alliez au second tour ? Et ceci, et cela. Bon, eh bien les gens, ils font la queue pour aller voir Gauguin. On a mieux qu'ils aillent voter Godin. Il y en a qu'un à Marseille comme lui. Ce n'est pas la merveille, mais c'est lui. Il y en a qu'un à Marseille comme lui. Il y en a qu'un à Marseille comme lui, et c'est tant mieux, parce que plus ce serait franchement trop. Alors, c'est certain, être Marseillais à Paris, c'est également surmonter quelques différences culturelles. Tout d'abord, il faut oublier la mer et le soleil. Et puis, surtout, il faut parler pointu, pour que les Parisiens comprennent. Et oui, le langage est différent. À Paris, le soir, aussitôt le repas fini, on demande aux gosses d'aller au pieu. Alors qu'à Marseille... Le soir aussitôt, le repas fini, qu'est-ce qu'on demande aux gosses? C'est qu'ils aillent au lit. Et l'aille au lit, ça c'est marseillais. Les monuments, si personne n'y prend garde, deviendront tous marseillais, c'est positif. Tenez Notre-Dame, sera Notre-Dame de la Garde. Le château de Blois deviendra le château d'If. L'histoire de France, ne vous déplaise, sera l'histoire marseillaise. Bien sûr, on va changer tous les monuments parisiens, l'histoire de France sera marseillaise et l'hymne national s'intitulera la Parisienne. Mais ce n'est pas encore le cas. Chaque ville a son propre style. Tiens, par exemple, pour Paris, ça peut être le Seine-Saint-Denis style, à base de béton et de NTM. Alors qu'à Marseille, ce serait plutôt... Belzunce, fleuron des quartiers phocéens. Coincé entre la gare et le Vieux-Port, on n'est pas les plus à plaindre. À domicile comme à l'extérieur, on s'est vu sur les cafards comme le bégon. D'où sort d'une ronde, Belzunce, breakdown. Alors, pour finir, avec cette relation passionnelle parigo-marseillaise, il faut dire que le dossier le plus sensible demeure sans aucun doute le football. Mais bon, rassure-toi, car même dans les moments les plus intenses, à Marseille, on sait faire preuve de retenue et de modestie. France Inter. Je suis trop content, on est champion d'Europe. C'est la première fois en France et on a montré à la France qu'on était les plus forts. Milan, c'est fini, ça n'existe plus. C'est rayé de la carte. Maintenant, c'est Marseille, le centre de l'Europe. C'est Marseille. Quand vous avez vu le but, qu'est-ce que vous avez pensé? J'ai pas réfléchi, j'ai sauté. C'est tout. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais faire la fête, je vais me jeter dans le Vieux-Port. Je vais nager dans la Méditerranée parce que c'est la plus belle mer du monde. On a gagné la coupe. On a gagné. Ils l'ont gagné, cette putain de coupe. Ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans que j'en vis. Superbe. Superbe en effet, et surtout victoire encore unique en France pour le moment. Alors peut-être qu'un jour les Marseillais retrouveront la recette de la victoire en Ligue des Champions et qu'ils l'offriront aux Parisiens, t'as qu'à croire. Et pourtant, question recette, en général, les Marseillais, ils sont toujours prêts à te rendre service. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher, mais le poisson passé ricane, y a plus qu'à l'acheter au marché. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bonbon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Une langouste est nécessaire, de la baudroie et des favouilles, 12 rascasses, un petit Saint-Pierre, huile, safran, ail et fenouil. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bonbon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. On invite une belle petite Marie-Louise ou bien Ninon. Ensemble on remue la marmite en se bécotant tout le long. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains. Il faut bien attiser la braise, Ninon le fit ingénument. C'est ainsi que les Marseillaises éprouvent leur tempérament. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis sans cesse, on laisse un peu la bouillabaisse pour pétanquer au cabanon. On tire et on fait des prouesses. Quand on revient, il n'y a plus de bouillon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon, bonbon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon, bonbon. La bouillabaisse, c'était donc le plat marseillais préféré de Fernandel en 1950. Sais-tu par ailleurs d'où vient ce drôle de nom, la bouillabaisse? Eh bien, quand ça bouille, tu abaisses la cuisson. Tout simplement, putain. Alors maintenant, après avoir survolé l'histoire de la cité phocéenne, il est temps désormais, toujours en direct du Mangin Palace, d'essayer de comprendre durant quelques minutes pourquoi le Marseillais se traîne cette sale réputation de vouloir sans cesse multiplier les galéjades. Oui, mon ami, entre le vieux port et les quartiers nord, est-ce réellement la ville du mensonge ? Avant tout, comme chacun sait, être Marseillais, c'est donc avoir la réputation d'inventer perpétuellement des histoires exubérantes pour épater sans cesse la galerie. Qui n'a jamais entendu, par exemple, un vieux pêcheur marseillais affirmer que la sardine peut boucher l'entrée du port de Marseille ? Ben voyons, déclaration grotesque et ridicule, bien sûr. Et pourtant, crois-moi, il faut cesser de considérer le Marseillais comme un gros arnaqueur. Car vois-tu en réalité cette légendaire histoire de sardine, par exemple ? Eh bien, figure-toi qu'elle est tout à fait authentique. Eh oui, le 19 mai 1780, sache qu'une frégate marchande, baptisée la Sartine, du nom du ministre de la Marine du roi Louis XVI, est venue s'échouer à l'entrée du vieux port de Marseille, paralysant quelque temps le trafic maritime de la cité phocéenne. Certes, depuis, la Sartine est devenue la Sardine, mais il n'empêche que l'anecdote est vraie et que l'esprit marseillais est donc avant tout goguenard. Ainsi, il faut toujours prêter attention aux vieilles histoires maritimes de Marseille. Je dois lancer un appel au secours de la baleine de 10 mètres et de 4000 kilos qui s'est échouée sur la plage de Carteau, à l'ouest de Marseille. En effet, des curieux affluent depuis 3 jours, se font photographier sur le dos de la baleine et gravent leurs initiales en entaillant sa peau à coups de couteau. La baleine a chaud, la baleine a faim, elle est effondrée sur le sable, essoufflée, et personne ne semble vouloir ou savoir la tirer de ce mauvais pas. Et voilà, de la même manière, désormais tu es prévenu. Si un Marseillais te dit qu'il a déjà gravé ses initiales sur le dos de Moby Dick, il te faudra peut-être lui accorder crédit, même si en effet il te faudra faire le tri quand il te racontera qu'il l'a fait en pleine mer avec des creux de 15 mètres. Mais bon, après tout, exagérer, est-ce réellement mentir ? On connaît dans chaque hémisphère notre canne-canne-canne-canne-bière. Et partout, elle est populaire. Notre canne-canne-canne-canne-bière. Elle part du vieux port et sans effort. Qu'aucun de sort, elle exagère. Elle finit au bout de la terre. Notre canne-canne-canne-canne-bière. Bon, là encore, évidemment, c'est un peu excessif. Quand tu vois la tronche de la canne-bière aujourd'hui, en effet, tu peux douter qu'elle soit encore connue dans les deux hémisphères. Mais bon, là aussi, bon sang, ce n'est pas du mensonge, merde. C'est une question de fierté. Fier d'être de la région PACA jusqu'à en faire des tonnes. Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. C'est l'ail du potager, l'huile de l'olivier, le raisin de la treille. C'est le mi-cocoulier où jouent les écoliers. Qu'une cigale égaye. Alors ensuite, toujours dans la série des clichés, hein, on dit en général des Marseillais qu'ils trichent systématiquement quand ils jouent. Eh bien non. À Marseille, lors d'une partie de tarot ou d'un match de foot, il ne s'agit jamais de tricher. C'est un style de jeu. C'est différent. Voyons maintenant les faits divers. D'abord, l'extraordinaire vaudeville qui, depuis vendredi, se déroule à Marseille. Le titre, vous le connaissez. L'affaire du gang de la pétanque. En deux mots, je rappelle l'affaire. 50 millions perdus par des joueurs de boules un peu trop naïfs, des commerçants, des marchands de meubles. Ces commerçants, ces marchands de meubles, on leur faisait miroiter une mirifique affaire à traiter avec un vieil homme quasi impotent. Mais ce vieil homme avait une passion, les boules. Et pour emporter l'affaire, il fallait d'abord jouer aux boules avec lui. Rien à craindre, le vieillard était si cassé qu'on ne pouvait pas perdre. De fait, il perdait au début. Mais quand les enjeux montaient jusqu'à atteindre des 500 000 francs sur une boule, à ce moment-là, l'impotent se mettait à jouer comme un champion. Vous voyez le scénario ? Il était simple, on spéculait surtout en définitif sur la relative indélicatesse, disons, des pigeons. Eux-mêmes d'ailleurs l'ont dit. Avoir ce vieillard quasiment impotent, il semblait impossible de perdre, la tentation était trop forte. Une partie de pétanque, ça fait plaisir, la boule part et se planque, comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Eh ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? T'as vu ? Le petit vieux, là, il a gagné quoi ? Une partie ? Et allez, ça devient le gang de la pétanque à Marseille. Non mais franchement, ça, c'est bien les rédactions parisiennes encore, hein ? Le mec, là, il fait un peu de fric, tranquille, sous les platanes, enfin, il travaille, quoi. Eh ben forcément, c'est un truand. Et après, on s'étonne, on dit, c'est quand même bizarre, ce manque d'enthousiasme qu'on rencontre à Marseille quand il faut travailler. Tu parles ? Encore une fois, c'est faux et c'est le Marseillais qui est dans le vrai. On ne me permet sur terre pour me tuer à travailler, mais pour vivre à ma manière et goûter à la liberté et rêver et sourire et bailler et dormir. Enfin bon, quoi qu'il en soit, pour contrer cette réputation de fieffé menteur, le Marseillais, lui, possède toujours une réponse imparable et magnifique. Eh bien moi je dis que cet ami I est une amie yeah. Et moi je prétends que si le jeune homme a dit qu'il allait voir un ami I, il n'y a pas de raison qu'il allait voir une amie yeah. Et pour quelle raison ? Parce que par pudeur, il ment. Sais-tu ce que c'est que de mentir ? As-tu entendu parler du mensonge ? Là, César, tu vas un peu loin. À moi, il me demande si je sais ce que c'est que le mensonge. Moi qui le connais par cœur, moi qui le pratique depuis ma naissance, j'ai menti à ma nourrice, j'ai menti à ma mère, j'ai menti à mon père, j'ai menti à mes frères, j'ai menti à mon quartier maître, j'ai menti à ma femme, j'ai menti à mes amis. Vous, je vous ai menti à tous. Là, et même en ce moment, peut-être que je vous mens. Eh oui. Ce Marcel Pagnol, un érudit de la culture provençale, un savant de Marseille, quoi. Alors, malgré toutes nos tentatives pour réhabiliter ce matin l'honnêteté des Marseillais, je sens bien que plusieurs d'entre vous demeurent totalement hermétiques à cette réalité. Donc, le mieux, je crois, pour vous convaincre réellement que Marseille n'est pas la cité du mensonge perpétuel, c'est de vous laisser découvrir ce journal d'information régionale d'une rigueur déontologique irréprochable. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Bonsoir, bienvenue sur Antenne 3 Marseille. Les nouvelles, en bref, accident stupide qui a causé la mort hier soir de Baptiste Fitucci, directeur bien connu de la clinique de la Croix-Sourire à Marseille, et gérant de la boîte de nuit, le Macumba Night. Alors qu'il dormait tranquillement près de sa tronçonneuse, cette dernière s'est mise en marche toute seule et a découpé le pauvre homme qui, pour lui échapper, a dû sauter par la fenêtre et a atterri dans un baril de béton frais que l'on a retrouvé ce matin immergé au large du Vieux-Port. La police n'exclut cependant pas la thèse du suicide. En parlant de suicide, nous vous rappelons également le suicide d'André Aleotti, aide-soignant à la clinique de la Croix-Sourire à Marseille et comptable de la boîte de nuit, le Macumba Night. Il a en effet mis fin à ses jours en se pendant dans sa casinière après s'être ouvert les veines et ingurgité une bonne dose de cyanure. Cependant, la police n'exclut pas la thèse de l'accident. Drogue, superbe prise ce matin par les policiers du 7e arrondissement, qui ont découvert 400 kilos d'héroïne dans le coffre de la voiture du préfet. Ce dernier n'a pas manqué de les féliciter. En y croche, Rix, hier soir au bar Fleury de la Canebière, où le gérant de l'établissement a ouvert le feu avec son fusil sur une dizaine de maghrébins en prétextant que ces derniers parlaient trop fort. La police est arrivée bien sûr tout de suite sur les lieux et leur enquête a révélé qu'effectivement les maghrébins parlaient trop fort. Enfin, une bien triste nouvelle qui risque encore d'entacher la réputation de notre belle cité phocéenne. La police, en effet, a perquisitionné hier chez l'adjoint au maire de Marignane et après les fouilles minutieuses elle n'y a trouvé aucune fausse facture. L'adjoint au maire a été immédiatement mis en garde à vue. Une triste affaire à suivre. C'était tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Everybody's got their own part to play, chante Shannon Wright sur son nouvel album intitulé Let in Light, autrement dit laisser entrer la lumière, parce que c'est tout près de Marseille, justement à la Ciotat, que les frères Lumière ont installé la première salle de cinéma. C'était en 1895 et la séance coûtait alors 1 franc, ce qui est vraiment peu cher. Alors, pour poursuivre notre parcours méridional en plein week-end pascal, la panique au Mangin Palace s'est intéressée, entre fiction et dérision, à l'attraction importante que la ville de Marseille exerce sur les candidats à l'élection présidentielle. En effet, le 24 mars dernier, Ségolène Royal se trouvait en meeting à Marseille et le 28 mars, c'était au tour de Nicolas Sarkozy. Mais ce que la presse ne t'a pas dit, c'est que le gentil François Bayrou s'est lui aussi rendu en toute discrétion dans la cité phocéenne. Et oui, François, il est tout stressé par sa dégringolade dans les sondages et il a décidé de s'endurcir. Il en est persuadé, c'est son image de gentil qui nuit à sa campagne électorale. Alors le mieux, c'est d'aller se frotter aux caïds du milieu marseillais. C'est ainsi que François Bayrou s'est retrouvé la semaine dernière sur le Vieux-Port, un peu perdu, mais ravi d'être au bord de la mer. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. En moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. En moi ça me rend heureux, je dis papa, papa, papa, pas de marina. Ici c'est pas la Riviera ni la Costa Brava, m'écoute papa, papa, papa, pas de marina. Hey, papa, papa, papa, pas de marina. Oui, mais ce n'est pas en restant devant la mer bleue que François Bayrou va réussir à trouver les caïds qui vont pouvoir l'aider à durcir son image. François décide donc d'explorer la ville et surtout les quartiers que l'on se plaît à dire chauds. François Bayrou se perd un peu dans les rues et les ruelles, ce qui ne passe pas inaperçu, bien sûr. Quand il est arrivé à la Belle de Mai, il connaissait des gains. Le Parisien, que s'accoste Fadoli, avec ses yeux de gobie, a dit tout le quartier qu'il est spanché, il fait le fier, ce pégrounas, au bord de mer, qu'écounas. Les pas de la martiale, c'est un con à la voile, on va lui esquicher le bout du nez. Quelques petits malfrats menaçants s'approchent alors de François Bayrou, qui leur explique les raisons de sa venue. Il est à Marseille pour rencontrer le milieu parce qu'il veut endurcir son image, mais aussi pour nouer des contacts, ça peut toujours servir. Les deux petites frappes Jacky de Belsens et Pépé les Bommettes acceptent d'initier François Bayrou. Mais ils se posent tout de même des questions. Je crois qu'on fait une erreur de le prendre avec nous. Une erreur ? C'est génial ! C'est une vedette de la télévision. Il peut aller partout sans être soupçonné. En plus, il a besoin de fric. J'ai pas confiance en lui. Sois gentil avec lui. On ne sait jamais. Il peut te faire travailler à la télévision. Ouais, faire de la télé, pourquoi pas. Mais Jacky de Belsens et Pépé les Bommettes ne sont pas certains de faire le poids face aux parrains de l'audiovisuel. Quoi qu'il en soit, François Bayrou peut commencer son stage improbable de caïd marseillais. Pour débuter le stage de caïd marseillais, Jacky de Belsens et Pépé les Bommettes, les deux terribles malfrats qui ont accepté d'initier François Bayrou, le font venir dans une petite maison de l'Estac. François est un peu apeuré. Par quoi va-t-il commencer sa formation ? Extorsion de fonds, exécution sommaire, technique de torture ? Non, tout ça c'est de la foutaise, car le plus important, si l'on veut faire partie du milieu marseillais, c'est... Attention ! Attention, la vraie recette de la Yoli, c'est des haricots verts, des carottes, des patates, du chou-fleur, œufs durs, bacala et bafla. Bien sûr, vous me faites rire. Si ça, il pue le fenouil, ça me fout de la recette. Mais il n'y a qu'à mettre des radis aussi. Et pourquoi pas ? Ne me regarde pas, tu le fais tomber. Non, tu l'as fait tomber. Quoi ? Ben oui, attention, toi tu dis... Un aioli, on ne dit pas un aioli, on dit une aioli. Alors moi je dis comme je veux. Et me parle pas, tu le fais tomber. François Bayrou prépare donc un aioli, qu'il réussit d'ailleurs pas trop mal. Mais le stage ne fait que commencer et les conseils des malfrats instructeurs s'enchaînent. L'étape suivante pour faire partie du milieu marseillais, c'est le look. On a tous un beau gosse en nous. Si, même toi, t'inquiète. C'est ta voix de beau gosse intérieur qui te parle. À la prose, c'est Night Riders. C'est pour tous les beaux gosses et les belles gosses. Ceux qui roulent en 6,45, CIC, 65, MG, mais bon, c'est un Golf 2 cabriolet, c'est bon quand même. Beau gosse, beau gosse, beau gosse, beau gosse. Voilà donc François Bayrou complètement relooké en beau gosse marseillais, survêtement taquini, trois quarts en cuir et mocassin à nébuloni. C'est ainsi vêtu que François Bayrou s'est rendu au casino de Cassis. Et il est bien content de son stage, François, parce que c'est incroyable. Mais ce changement de look, ça le rend plus sûr de lui. En plus, Jacky de Belsens et Pépé les Bommettes, ses nouveaux amis, lui ont prêté de l'oseille. Alors François, il n'hésite pas à aborder une femme fatale assise au bar du casino. Bonsoir, moi c'est François Le Palois et vous êtes marseillaise ? Moi je suis une cagole et tous les samedis soirs je vais à Cagoland. Cagoland, la boîte à cagole. Eh ouais, moi j'y vais tous les samedis, j'en profite, je paye jamais l'entrée. Ah non, moi je paye pas parce que, quand même vous expliquez le leader, le grand black, si vous voulez, c'est de la famille. Welcome to Cagoland. Et François Bayrou passe donc une partie de la nuit à Cagoland à vivre la vie du milieu marseillais. Le lendemain matin, il retrouve son formateur de la pègre à qui il raconte ses exploits. Bayrou s'est couché tard et a même bu de l'alcool. Pépé les Bommettes, il en est tout épaté. Ben mon salaud, c'est que t'es en train de devenir un vrai caïd ? Je t'assure, j'étais au top, la baraka. Les cartes en main, un vrai seigneur. Même les croupiers étaient au garde à vous. Tu vois ce que je veux dire, tonton ? Ce que je vois, c'est que la seule chose que t'as réussi à ramener du casino, c'est une pétasse. Ça, ce n'est pas faux. Il va falloir progresser pour vraiment faire partie du milieu. Jacky de Belsens et Pépé les Bommettes expliquent donc à François Bayrou la prochaine épreuve. Il faut faire un casse, mais désormais François se sent l'âme d'un caïd. Dans une heure, il reviendra avec son butin. Une heure plus tard, François Bayrou est donc de retour auprès de Jacky de Belsens, de Pépé les Bommettes et surtout auprès de la cagole qui lui demande comment ça s'est passé, ce casse. J'ai volé. Et vous avez volé quoi au juste, monsieur ? Des culottes pour ma femme. Vous savez combien ça coûte, une paire de culottes ? Je parle pas des culottes en coton, que ça devient tout flasque au bout de deux lavages. Je parle d'une vraie culotte. En soie ? En soie, oui, par exemple. C'est pas de la soie asiatique, vous savez. Parce que la soie asiatique, au bout de deux lavages, elle pluche, toute soie qu'elle est. Vous allez quand même pas nous faire l'article, non ? C'est vrai ! Leur verre à soie, ils doivent les nourrir autant qu'ils payent leurs ouvriers, si vous voulez, mon ami. Non, et vous nous les montrez, vos culottes, vous nous les montrez pas. Et c'est parti. Et François Bayrou est tout fier de montrer les culottes qu'il a volées à l'étalage en les glissant dans son pantalon. François Lepallois, il a donc totalement intégré le milieu marseillais. Marseille du trafic et vie de contrebande. Tu joues avec les flics, t'aimes les armes à feu. Tu te veux Chicago, mais tu as le cœur tendre. Le plus mauvais mélo te met les larmes aux yeux. François se dit que décidément, ces gros durs du milieu marseillais ressemblent beaucoup à des petits gars tout juste débrouillards. Voilà, la formation de gangsters est terminée, il est grand temps de rentrer à Paris. La campagne électorale continue et surtout, pour stopper sa chute dans les sondages, il doit appliquer ce qu'il vient d'apprendre à Marseille. Mais bon, maintenant, qu'il soit à 24, 20 ou 18%, ça ne le tracasse plus vraiment, parce que François Lepallois, il a bien compris à Marseille que... Dans la vie, faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Voilà au moins une belle leçon de philosophie que François Bayrou aura ramenée de Marseille, mais qu'il va s'empresser d'oublier, bien sûr. Pour la petite histoire, Jackie de Belsens, lui, il a récupéré la cagole de François Lepallois, une Marseillaise, chaleureuse et ensoleillée. Ma Marseillaise à moi, elle est chaleureuse et ensoleillée. Elle se réveille de bonne humeur, elle chante en arrosant ses fleurs. Elle raconte des histoires, elle exagère, mais il faut la croire. Ma Marseillaise à moi, elle passe des heures à regarder la mer, du haut de son balcon vers la Canebière, elle se régale de la couleur du ciel. Et si ses frères ont émigré au nord, elle préfère rester près du vieux port. Ma Marseillaise à moi, elle est courageuse et entreprenante. Elle aime à se rendre appétissante, généreuse et attirante. Comme toutes les femmes de caractère, elle s'enflamme parfois en un éclair. Ma Marseillaise, c'est avant tout celle de Charles-Élie Couture, mais il en existe tellement d'autres, comme celle de Léo Ferré par exemple, pour qui sa Marseillaise était une grue sur le vieux port avec des dents longues comme la faim et qui dégrafait tous les marins qui avaient l'âme chagrine et le cœur d'or. Alors maintenant, pour prolonger notre exploration dans la sublime cité phocéenne, il est grand temps désormais, à 11h44, de retrouver à l'embouchure du Rhône nos deux cacous, les farangoules, que sont Monique et Jean-Claude. Fervent supporter de l'Olympique de Marseille, voilà des années que Jean-Claude rêve de vivre l'exaltation populaire du stade Vélodrome. C'est ainsi que, sur un coup de tête, il a proposé cette semaine à Monique de mettre le cap au sud durant ce week-end pascal pour assister à ce match décisif qui opposera ce soir Marseille, à Lille. Pour Monique, bien sûr, c'est là l'occasion formidable de s'offrir un petit séjour ensoleillé, loin des tracas domestiques. C'est ainsi qu'hier matin, à 9h38, ils sont donc arrivés en TGV Méditerranée à la gare Saint-Charles de Marseille. 23 degrés, une atmosphère quasi estivale, quelques jeunes femmes en débardeur, bref, à la descente du train, Jean-Claude est très détendu. Bonjour Marseille, le soleil est radieux, on se réveille et déjà on est joyeux. Car au fond du cœur, on ressent du bonheur. Bonjour Marseille, pays de la bonne humeur. Très vite, Monique et Jean-Claude prennent un bus qui les conduit jusqu'au Vieux-Port où ils ont réservé 3 nuits d'hôtel, rue de Breteuil. Ils s'apprêtent à traverser la rue quand, tout à coup, Monique, elle, se fait un peu bousculer par un jeune Marseillais sur un scooter. Elle est surprise et Monique proteste. C'est bon là, mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh les gosses, il n'y a pas que les moteurs que je fais rugir, moi, attention hein. Allez, retourne chez ta mère hein, qui t'explique un peu comment on parle à une dame, hein. Tête qui là oh. Retourne chez ta mère. Vas-y, d'où tu es une dame, toi, cagole que tu es. Des tocs comme toi, j'en ai au kilo, va. Allez, allez, allez. Tu as vu la gueule que tu as. Retourne pêcher le merlan sur le vieux porc. C'est plus dans tes moyens. Et rachète-toi une dent aussi. Écoute-moi bien, je te jette un sort, pétasse. À toi, ton frère, ta soeur, ta famille, ton père, toute ta bande. Eh, vas-y. Hein. Jean-Claude est ébahi par la maîtrise du langage marseillais de Monique. Elle lui fait remarquer qu'ici, c'est normal. Il ne faut pas se laisser impressionner. C'est la culture locale. Les gens du Sud roule des mécaniques, mais au fond, c'est du théâtre, bien sûr. Alors qu'ils s'approchent de leur hôtel, c'est au tour de Jean-Claude de se faire alpaguer par un Marseillais. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Décidément, Jean-Claude trouve cette cité phocéenne fascinante. Cela dit, ça tombe bien, puisqu'à part le match de foot au Vélodrome, Jean-Claude n'a pas prévu grand-chose. C'est pourquoi, très vite, il décide de prendre quelques informations auprès de l'hôtelier, M. Honoré. Et dites-moi, M. Honoré, est-ce que le ferryboat fait toujours la traversée du Vieux-Port ? Le ferryboat ? Naturellement. Comment voulez-vous qu'on le traverse, le Vieux-Port ? À pied ? Je pensais qu'on avait modernisé le système. Mais il ne marche pas à la voile, le ferryboat. Il y a un moteur. Ah, vous êtes bien comme tous les étrangers. Ce qui vous intéresse à Marseille, c'est ce qu'on vous a montré au cinéma. Ah, pardon, mon ami, pardon. Si votre neveu, le gérant de l'hôtel, m'a envoyé vers vous, c'est parce que j'ai manifesté le désir de voir ce que d'autres touristes ne connaîtront jamais. Le vrai visage de Marseille. J'aime le pittoresque. Le pittoresque. Très bien. C'est ainsi que l'hôtelier propose alors à Monique et Jean-Claude de profiter pleinement du soleil azuréen et de quitter la ville pour s'installer plutôt dans une sublime calanque dont seuls les authentiques Marseillais connaissent le chemin. Monique est folle de joie, et après quelques indications très précises, ils prennent tous les deux la route sinueuse en direction de l'Estac. Après avoir emprunté des chemins pour le moins escarpés, Monique et Jean-Claude finissent par découvrir en effet un endroit paradisiaque où les cigales doivent chanter toute l'année, tellement cette crique semble étrangère aux intempéries. Monique est ivre de bonheur. Au soleil de Marseille, que merveille, tout vous sourit. Sa douceur nous enivre, nous fait vivre, nous attendrit. Les mots d'esprit, les blagues nous enchantent, même quand nous parlons, notre accent chante. Au soleil de Marseille, que merveille, tout vous sourit. Pendant qu'elle prend un bain de soleil, Jean-Claude prend quelques photos et, tel un cabri, il saute de roche en roche. Mais, visiblement, même si le paysage est splendide, pour Jean-Claude, la chaleur devient torride. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau. enlacés. Et seul au monde, Monique et Jean-Claude pourraient bien se laisser aller à quelques fantaisies sexuelles sous le soleil de Marseille. Quand, tout à coup, Monique aperçoit un homme qui vient d'aller se baigner. Il sort de l'eau, ruisselant. Il est sublime. Mais ça, alors, c'est incroyable. Il s'agit de Zizou. Oui, Zinedine Zidane, l'enfant de la Castellane. Mais que fait-il là, bon sang ? Jean-Claude n'hésite pas un seul instant et s'approche de Zizou pour lui demander s'il a pris la décision de revenir vivre ici, chez lui, à Marseille. Zidane, un peu gêné, lui répond que... Ouais, je reviens, mais c'est mystique, c'est étrange. Pardon, c'est... J'ai entendu une voix qui m'a dit de revenir, c'est tout. C'est... Tu me fends le cœur. Il n'y a pas d'allons César, tu me fends le cœur. Pardon, je dormais, il était 3 heures du matin et la voix m'a parlé. J'ai le cœur fendu par toi. Tu me fends le cœur. Je sais plus, c'était mystique, étrange, confus. Monique et Jean-Claude n'ont pas tout compris à cette histoire de voix mystique, mais ils mitraillent la star avec leur appareil numérique pour prouver aux enfants qu'ils ont bien vu Zizou en moule burne dans les Calanques à Marseille. C'est alors que Jean-Claude murmure à Monique qu'il n'ose pas demander un autographe. Monique lui dit « Mais si, il est sympa, vas-y. Tends-lui ton carnet, dis-lui, pour mon ami Jean-Claude, et tu vas voir. » Et en effet, Zidane lui-même signe un autographe à Jean-Claude. Zizou lui demande alors gentiment ce qu'il fait à Marseille. Jean-Claude, totalement tétanisé, répond qu'il est un grand supporter de l'OM et qu'il est venu soutenir son équipe au Vélodrome. Zidane prend alors un air solennel et propose à Jean-Claude de se recueillir ensemble pour demander à la bonne mère de protéger les Marseillais demain soir contre Lille. C'est ainsi que Jean-Claude, Monique et Zizou se lance dans une authentique prière. On t'aime beaucoup, l'Olympique Marseillais. Oui, on t'aime beaucoup, l'Olympique de Marseille. Oui, on t'aime beaucoup, l'Olympique Marseillais. Oui, on t'aime beaucoup, l'Olympique de Marseille. Après cet intense recueillement olympien, Zidane décide de prendre congé, car bien sûr, il se les gèle après sa baignade. Et maintenant, il doit faire sécher son maillot de bain tranquillement, là. Couché sous un pin parasol, qu'il est doux d'écouter le bal que donnent les cigares. La mer, au loin, fait le gros dos. Les griffes en mille vagues folles, les rochers à fleurs d'eau. Monique et Jean-Claude regardent la star planétaire disparaître nonchalamment derrière les rochers blancs de cette sublime calanque. Cela dit, quel que soit le score demain soir au Vélodrome, Jean-Claude n'est pas prêt d'oublier son fabuleux séjour marseillais. Fin de l'histoire. Hier soir, vers 19h, de retour en ville, alors qu'il dégustait un pastaga en terrasse, les yeux pleins d'étoiles, Jean-Claude faisait remarquer à Monique que, même début avril, c'est incroyable à Marseille, comme il fait beau, comme il fait bon. Il fait beau, il fait bon, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux, quand on vit dans la vie comme des amoureux. Tu prends les nuages blancs ou gris, petits ou gros, tu les déchires en morceaux. Tu mets les orages au fond d'une cage et puis tu les jettes à l'eau. Tu attrapes au piège des flocons de neige, tu en fais des arcs-en-ciel. Sur la brume, des rayons de lune, des oranges et puis du miel. Il fait bon, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux, quand on vit dans la vie comme des amoureux. Tu joues les cigales, tu parles aux étoiles, en plein milieu de l'hiver. Tu